De ce fait, Ruy Blas se retrouve malgré lui dans la chambre secrète de Don Salluste à minuit. C'est fini. Rêve éteint. Vision disparue. Jusqu'au soir, au hasard, j'ai marché dans les rues. Je souffre. Elle m'aimait. Et dire qu'on ne peut jamais rien ressaisir d'une chose passée. Je ne la verrai plus. Sa main que j'ai pressée. Sa bouche qui touche à mon front. Ange adoré. Pauvre ange. Il faut mourir. Mourir désespéré. Sa robe où tous les plis contenaient de la grâce. Son pied qui fait trembler mon âme quand il passe. Son œil où s'enivraient mes yeux irrésolus. Son sourire, sa voix. Je ne la verrai plus. Je ne l'entendrai plus. Enfin, c'est donc possible? Jamais.